Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur. Aujourd'hui à l'émission, deux nouvelles pièces de DJ Matan de Frac, de nouveaux extraits des formations Trifluviennes Gestation Rap et Valsalva, ainsi que de Malachub et de nouveaux albums de Berrurier Noir et du Grand Zazou. Tout ça tout de suite, à la chance au coureur. Bonjour à vous, mes petits amateurs de nouveautés, vous. Bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Bienvenue à une toute nouvelle saison hivernale de l'émission, la 9e session. Vous avez peut-être remarqué que notre nouvelle heure est arrivée, sinon... Peut-être que vous êtes juste pas là, n'est-ce pas? Donc, bienvenue aux nouveaux étudiants. Je vais en profiter un petit peu pour présenter à nos nouveaux auditeurs le concept de l'émission. C'est simple. À chaque semaine, C'est fou reçoit des camions de nouveautés et un à un, on les découvre, analyse, critique et décortique pour vous. On donne, hein, tous ensemble, la chance aux coureurs. En gros, on lance des choses sur les murs pour voir ce qui colle. Peut-être qu'on va découvrir ensemble des groupes nouveaux qui méritent de jouer sur notre palmarès. Ou sinon, peut-être qu'on va découvrir des trésors cachés et des choses qui auraient peut-être dû rester cachées. Pour nos auditeurs habituels, ayez pas peur, non. Dany Janvier va venir me rejoindre à partir de la 2e heure, c'est-à-dire dans presque exactement une heure. Donc, soyez là, moi, je serai là. Désolé. Donc, j'ai assez parlé, on commence l'émission par quelque chose qui m'excite vraiment. On a reçu quelques nouvelles pièces de Malajub. On a reçu une version radio de la pièce Étienne Daou qu'on roule beaucoup sur C'est fou, la version normale, la version album. On a aussi reçu plusieurs autres pièces, dont Monsieur Pupille, un remix de Fille à plumes, et Elton Daou, un remix Maman, comme ils appellent. On commence par la version radio d'Étienne Daou. Ça commence tout de suite, à la chance au coureur. ces gens autour de moi. Ça fait son pas entre mes bras. Non, j'ai rien à cacher, rien à faire. La chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou. On vient d'entendre deux pièces de Malajube, Étienne Daou version radio et Monsieur Pépé, une pièce inédite. On continue avec deux autres pièces, un remix de Fille à plumes et le remix Maman de Elton Daou. Nom de la pièce, hein? Étienne Daou, Elton. Ça. seule radio musicale. Je dirais superbe pièce de Malajube. ici à la chance au coureur, on a reçu un petit hippie de 4 pièces. On a entendu en ordre Étienne Daou, version radio. Monsieur Pépé, une pièce inédite. Fille à plume, le remix. Et on vient de terminer par Elton Daou, remix Maman de Malajube. Parlons un petit peu de Malajube, d'ailleurs, quelques affaires. Alors, sujet, il s'en vient en spectacle à un paquet d'endroits aux États-Unis. Ils vont être, bon, on commence par Montréal le 16 février. Il est pas aux États-Unis, hein, bon. Ensuite, à New York, à Brooklyn, New York, Philadelphie, Pennsylvanie, Washington, D.C., Cleveland, en Ohio. Tout ça jusqu'en avril, où ils vont revenir à Sorel et à Joliette. C'est via myspace.com/Malajube. Si vous voulez plus d'informations sur les groupes que vous entendez à la chance au coureur, n'hésitez pas. Allez voir le tout nouveau site internet cif.ca/chance. Maintenant, les liens de la connexion à la chance au coureur et les palmarès sont sur le même blog. Donc, un beau petit mélange d'idées et tous les liens sont déjà là. Donc, ça fait tellement longtemps que je promets de tenir ça à jour que maintenant, c'est fait. cifou.ca/chance pour les informations. Pour ceux qui sont complètement déroutés et qui s'attendent à commencer à entendre Raymond au vu à cette heure-ci, si vous écoutez le vendredi matin, bien, c'est qu'on a changé de case horaire. On est maintenant de 10h à 13h les vendredis matins. Et maintenant, la rediffusion est déménagée de jour, c'est-à-dire le jeudi de 13h à 16h. Soyez là. Moi, je serai là. C'est bien évident. Et il y a ceux qui s'attendent à entendre Danny Janvier. Il sera de retour à 11h pour la deuxième heure de la chance au coureur. Notre première heure, notre nouvelle première heure, sert à passer beaucoup plus de pièces francophones. Hein, on aime ça, vous donner des bonnes pièces comme ça. Donc, on a passé 4 pièces de Malajube. Maintenant, on va entendre 3 nouvelles pièces de la formation mauricienne et trifluvienne Valsalva. Ils nous ont envoyé les pièces Égal, Illégal, Véhicule et La Muerte del Poder, qui, selon mon traducteur automatique, veut dire La Mort du Pouvoir. Donc, on s'en va entendre ces 3 pièces-là. On commence par Égal, Illégal et on parle un petit peu de Valsalva. En retour, vous écoutez La Chance au coureur sur CFOU 89.1 FM. Allume-moi, allume-moi, allume-moi, allume-moi. La chance au coureur revient dans deux minutes à C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez la toute nouvelle première heure de la chance au coureur. Dans le bleu d'un bac, j'ai trouvé du temps. Je l'ai mis dans mon sac, mon carburant. Et j'en laisse s'échapper autant que l'asphalte se craque chaque printemps. Esperaré nada más de la vida. Perdí todo, imaginación. Trata de poner los cobres en otra dirección. A los sin techo escribo esta canción. Tiene que parar la expropiación. Perdí todo, todo se perdió. Esperaré nada más. Perdí todo. Salva, la chanson chorale, trois pièces de cette formation trifluvienne Valsalva. On vient d'entendre La Muerte del Poder ou La Mort du Pouvoir. Justement, c'était véhiculé et au début du bloc, c'était égal, illégal, ici à la nouvelle chanson chorale. Nouvelle version allongée qui commence maintenant à 10h le vendredi et qui se termine à 16h maintenant le jeudi. On ne le rappellera jamais assez d'ici la fin de l'émission. Si vous êtes pas là en ce moment, là, manquez de quoi? Ça de même, là, hein? Complètement. D'accord, donc on était rendu à parler d'un petit peu de Valsalva pour vous dire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Valsalva ont divorcé l'été dernier, se sont rematchés avec de jeunes conquêtes musicales. Après 4 ans de formation à 5,5 avec les musiciens Greg, Frank, Simon Adams à la batterie, Simon Dicker à la basse, Alex Guérin aux percussions et JP Gravel au beat de bouche à temps partiel. L'été 2005 a marqué une pause pour le groupe. Greg a visité l'Amérique centrale, Frank a composé. En septembre, les deux leaders, compositeurs-chanteurs, ont trouvé les nouveaux membres de l'équipe avec Philippe Roy à la basse et Éric Charland à la batterie. Donc voilà, c'est eux les membres Phil, Greg, Frank et Eric. Allez voir leur site web au valsalva.net, valsalva.net. Les liens sont évidemment sur le blog de l'émission, aussi fou.ca/chance. Valsalva, ils se disent un groupe de hip, rock, reggae. Vous pouvez écouter des extraits d'ailleurs sur leur site. On passe à la formation Les Monochromes qui nous ont envoyé un single. En fait, c'est deux pièces qu'ils nous ont envoyées. Une qui s'appelle Les filles ne sont pas toutes comme ça et l'autre qui s'appelle Pourquoi tu ne veux pas de moi. C'est ce qu'on s'en va entendre ici à la chance au coureur sur C'est fou 89.1 FM. Yeah. monochrome à la chance au coureur sur CFU89.1 FM. On a entendu deux pièces, Pourquoi tu ne veux pas de moi et Les filles ne sont pas toutes comme ça. Les Monochromes, un bon petit groupe punk rock. Et ça ressemble étrangement à un coup de cœur pour ça aujourd'hui, parce que je viens d'arriver de leur site web, lesmonochromes.com. Hein, quand même. Les Monochromes t'aiment. Premièrement, ils m'adressent la parole en me disant qu'ils m'aiment, c'est le fun. Et en plus, il y a des Mario et des Luigi et des princesses qui se donnent des fleurs dans Mario Bros. Sur leur site, je trouve ça vraiment bien. Là-dedans, sur le site des Monochromes, il y a de la musique, les dates de leur spectacle. Ils vont être à Montréal, à Bromont, à Granby et un paquet d'autres endroits. En fait, non, c'est pas mal les seuls, mais bon. Donc, allez voir dans la section concert. Il y a aussi des MP3 à télécharger et les paroles des chansons, ça dit dans la section médias, si je me rappelle bien. Nos fans connaissent les tunes qui sont pas encore sorties des Monochromes. Donc, c'est intéressant. On a hâte de recevoir un CD un petit peu plus complet que deux pièces. Les Monochromes. On va passer au Grand Zazou, qui nous a envoyé un album qui s'appelle Le Grand Zazou. Et la pièce s'appelle aussi Le Grand Zazou. On écoute ça et puis on en parle au retour ici à la chance au coureur. Son lit, ça vaut même pas la peine d'essayer. Quand c'est son engin qui décolle, Tom Jones a l'air d'une vieille chute molle. Il n'a pas besoin d'un pistolet pour dégainer, pas besoin d'être voleur pour le défoncer. C'est le Grand Zazou, s'autodétruira. Il aura tué tous les méchants et l'amour triomphera. C'est une étincelle pour enfin mettre le feu quelque part. Une beauté engagée, mais pas trop fidèle, à qui je pourrais démontrer mon art. Loin d'être un salaud, je suis un bienfaiteur. Je deviens un phare quand il se fait tard. Je me sers d'artifice, feu sans loi ni sans peur, mais je garantis d'éloigner le cafard. raser les cœurs, c'est ça le bonheur. Un feu de paille vaut mieux que vu déjà. Je suis un pasteur, pyromane à mes heures. Je soigne mes ouailles de l'amour qu'elles n'ont pas. Que vous soyez sténo, avocate ou bergère, que vous soyez d'ivoire ou bien d'ébène, je cause des incendies dans des foyers exemplaires. Protégez-vous des combustions soudaines. Surveillez la fumée, car tout peut arriver. Mon fléau n'inspire jamais la méfiance. Il n'y a pas de pompier pour venir vous sauver. Contre moi n'existe pas d'assurance. S'il existe morale dans cette histoire amorale, c'est qu'il ne faut jamais fumer au lit. Éteignez la flamme si elle semble anormale. Sécurité d'abord de feu nini. Restez bien sage, ne soyez pas volage, et rien ne vous arrivera jamais. Par contre, un petit feu fait briller les yeux, mais les pyromanes sont vraiment dangereux. C'est la toute première nouvelle, toute nouvelle première heure de la chanson Courant. Et on écoute une troisième pièce du grand Zazou. Restez sage, hein? Les appelés Mercedes de la Hoya. Un truc comme ça, je me souviens pas. Elle faisait craquer tous les garçons, comme la voiture du même nom. Montée sur un châssis de DS, elle avait la plus belle paire de fesses. À rendre un curé pire que cochon, sans même parler de ses niches. Mercedes, la plus belle des filles, une princesse habillée de guenilles. Mercedes, la perle des Antilles, s'est défilé plus vite qu'une anguille, aussi noire qu'une nuit sans lune. Elle est riche même sans fortune, un arc-en-ciel sous les tropiques, mais c'est un amour utopique. Ah. Par sa beauté, donc elle m'a traîné par le bout du nez. Elle m'a assommé comme tous les autres hommes, à grands coups de verre de rhum. Il n'y a qu'une chose dont j'étais bien conscient, c'est qu'amant rimait avec argent. J'étais un gringo sur le derrière, toutes mes pièces à la fourrière. Sous les tropiques n'était qu'un mirage alcoolique. Ah, Mercedes, la plus belle des filles, dangereuse comme les pousses qui brillent. Mercedes, la perle des Antilles, attention, peut-être pacotille. Mercedes, la plus belle des filles, une princesse habillée de guenilles. Mercedes, la perle des Antilles, Ah, le romantique Grand Zazou, ici à la Chance au Courant, émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues. Assez fou, la toute nouvelle première heure, on a entendu trois pièces du Grand Gazou. Le Grand Zazou, c'était la première pièce, le Pyromane et ensuite Mercedes. Son site web, legrandgazou.com, nous apprend qu'il aime toutes les femmes et toutes est bien évidemment souligné. Donc le Grand Zazou, on va parler un petit peu plus en profondeur de lui, mais quand même rapidement. Donc découvrir le Grand Zazou, c'est entrer dans l'univers d'un personnage couleur BD. Étonnant chanteur de charme, dragueur maladroit, jouant avec humour, avec l'amour, l'espoir et les désirs. Avec Natacha, qui était son premier extrait, le Grand Zazou crée un cha-cha-cha typé irrésistible qui n'est pas sans rappeler le Gainsbourg première mouture. Le Grand Zazou souhaite séduire toutes les femmes et possède les moyens de ses ambitions. Entouré d'une cinquantaine d'artistes parmi la crème du jazz et du world montréalais, il nous propose des orchestrations ciselées où les cuivres, notamment, enveloppent habilement sa voix sans jamais le devancer. Évidemment, on parle d'un communiqué de presse ici. Et autant il y a de types de femmes, autant il y a de musique pour les chanter. Tango, pop, gogo, salsa, arabe, reggae ou cha-cha-cha, le Grand Gazou joue la polyvalence avec élégance. Depuis une quinzaine d'années, Vincent Potel, alias le Grand Zazou, a prêté sa voix à une multitude de projets. On a pu l'entendre avec la bande Magnétique aux côtés de nombreux artistes de renom et en tant que choriste dans plusieurs publicités ainsi que dans les dessins animés de Disney. Fort de toutes ses expériences, il signe et compose les aventures musicales du Grand Zazou, personnage qui prend toute sa dimension sur scène, comme on a pu le constater récemment lors du lancement de l'album et de deux prestations mémorables sur la scène du Lion d'Or en compagnie du très expansive Orchestra, c'est le nom du groupe. Des soirées conceptuelles rigolotes et magiques qui auront des suites. D'ici là, l'album du Grand Zazou s'appelle Le Grand Zazou. Et on termine la première heure, la nouvelle première heure de la Chance au coureur par la pièce Natacha, qui est le premier extrait de l'album éponyme. Restez avec nous, auditeurs du vendredi, parce que les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent, suivies de la deuxième heure, l'ancienne première. Et auditeurs de la rediffusion du jeudi, restez là parce qu'on a une petite pause, puis on revient tout de suite. Hein, ça se passe de même ici à la Chance au coureur. Après l'amour, nous fumions une cigarette. Y'a une idée qui me trottait dans la tête. J'ai oublié de demander à la coquette. Quel est ton nom, Lisouli, non, petite sourette. Elle m'a répondu. Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89 FM cette semaine. Dany Janvier vient d'arriver. Bonjour. C'est bonjour. Oh, oui, celle-là, ça va super bien. Yes. Bonjour, Dany. Bonjour à toi, bonjour à vous. On t'accueille dans cette deuxième heure, tout à fait nouvelle. Oui, tout à fait pimpant, oui, je suis vraiment en forme aujourd'hui. T'as l'air en forme, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça doit faire un bon 3 semaines. Au moins 3 heures. 30 minutes, genre. Ça fait au moins 45 minutes qu'on s'est pas vu. Ouais. Donc, Dany Janvier, bon, pour ceux qui connaissent pas, si vous êtes nouveaux étudiants, si vous venez d'arriver, le concept de l'émission, est-ce qu'on en parle un petit peu? Oh, on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on découvre, critique, analyse, décortique. On rit des artistes, non, c'est pas vrai. Non, jamais. On est des fois gentils, des fois un peu plus méchants. En gros, on reçoit des piles de CD à chaque semaine, des camions, comme on aime le dire. On les déballe, oui. On les filtre, on enlève Marie-Hélène Cyper, on enlève... Je les garde, par exemple, ceux-là. On les donne à Dany, c'est ça. Madonna, Elton John, des affaires comme ça. On garde le meilleur de l'alternatif. On diffuse sans l'écouter à l'avance. C'est ça le concept. La chose importante de l'émission, c'est qu'on découvre la musique en même temps que vous. Si on l'aime pas, on la coupe, on l'arrête. Oui, ben hein? Des fois, il y a des... Moi, j'écoute un petit peu des fois, pas cette semaine, là, mais des fois, je vais prendre le temps de vraiment faire des vraies critiques sur les albums. Mais la plupart du temps, sur les trois heures, ben, on va plus découvrir avec vous, en même temps que vous, les artistes. Puis aussi, on va faire des suggestions à notre directeur de la programmation, des fois pour dire, cet artiste-là, faudrait peut-être s'en aille sur la palmarès. C'est une vraie bonne chose à dire parce qu'on va introduire quelques nouveaux petits concepts comme ça dans l'émission, des genres de semi-chroniques récurrentes, dont les pièces qui vont peut-être jouer dans le palmarès un jour. Exactement. Hein? Des affaires comme ça. Et on a le coureur de la semaine aussi. Coureur de la semaine qu'on va couronner à chaque fin d'émission. Bien sûr, ça, c'est le disque que Dany et moi avons décidé qu'on trouve que c'est le meilleur verbe mal conjugué, mais on s'entend quand même de ce que ça veut dire. Oui. C'est ça. On va commencer cette deuxième heure par la fin du francophone. On a étiré le francophone pour la première heure avec 4 pièces de Malajube, 3 de Valsalva et 4 du Grand Zazou. Donc, ce qu'il nous reste de francophone, c'est Joyeux Cafard avec l'album qui s'appelle Le Temps, d'accord? Et est-ce que je te coupe comme ça? Pourquoi on a écouté plein de Malajube? C'est quoi un nouvel album? C'est des nouvelles pièces, des remix de leurs pièces. Ah! C'est pour ça. C'est ça la chose. On avait le remix radio de la pièce Étienne Daou qu'on a eu sur notre palmarès récemment. Vous voyez que ça commence à fonctionner dans les radios, comme on appelle, commerciales. Ouais. Les radios autres que les bonnes. Okay. Ah, c'est vrai. Et j'allais dire un deuxième disque qu'on va écouter aussi, c'est Hélicoptère avec Nos débuts. Deux albums qui m'ont l'air assez, nouveaux. Ok, on commence par une pièce de Joyeux Cafard. On arrête de parler, ça fait. Voici Kamikaze tout de suite à la chance. Au courant. Ça. On reste sur le même la chance. Au courant. On étouffe. C'est pas parce qu'on a une troisième heure qu'on arrête de faire les choses qu'on aime. Ah, que c'est beau à voir. Dany Beltuk. Je tenais à le dire. C'est pour me cacher. C'est sorti beau. sert de me mentir, car j'ai vu le mal l'envahir. L'être un kamikaze, je vous avouerai que tout ça me dépasse. Rien ne sert de me mentir, car j'ai vu le mal, j'ai vu le mal, j'ai vu le mal l'envahir. Vous êtes assez fou. 89.1 FM. Ce soir jusqu'à demain, demain jusqu'à la fin de ma fin. Ma fin pour les raillures, ma joie pour l'écorchure, ma peine à être blessée, tiraillée, étouffée. Approche mes nœuds, mes filoches, le feu de mon grand cœur de roche. Reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Mais reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Je ferme les yeux, pardonne-moi, je peux pas faire mieux. Je ne rêve que la nuit pour éteindre toutes mes envies de chaleur, de caresses et de moiteur. Mes envies de chaleur, de caresses et de moiteur. Approche mes nœuds, mes filoches, le feu de mon grand cœur de roche. Reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Mais reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Reste jusqu'à ce soir. Ce soir jusqu'à demain. Demain jusqu'à la fin. La fin de ma fin. Ma fin pour les raillures, ma joie pour les cantures. Ma peine à être blessée, tiraillée, étouffée. Approche mes nœuds, mes filoches, le feu de mon grand cœur de roche. Reste encore, y'a pas de presse. Mais reste encore pour que ça paraisse. Reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Reste encore pour que ça paraisse. Mais reste encore, y'a pas de presse. Reste encore pour que ça paraisse. Formation Joyeux Cafard avec l'album Le Temps, ici à la chance au coureur avec Danny Janvier et Mathieu Plante, n'est-ce pas? Coudonc, ça va bien mon affaire? Rebonjour Danny. Toujours pas lui, hein? C'est lui, cela, on va l'avoir c'est un jour. C'est le 3, c'est ça. 3, Mathieu. 1, t'es fin, Danny, de m'aider comme ça. 3. OK, on laisse faire. Bon, Joyeux Cafard. Regarde ici, là. Joyeux Cafard, l'album s'appelle Le Temps. On entend deux pièces, Kamikaze et Reste. Il nous en reste une. Hein, Reste. Peut-être que celle-là, je vais l'écouter. Sans ma date, j'ai rien écouté. L'émission a commencé. Ben, c'était bon. C'est un groupe de Drummondville. Ah, ben. C'est vrai. Bonjour aux gens de Drummond. Ce qui veut dire que c'est bon. Donc, à la voix, c'est Philippe Leblanc, à la guitare, à la voix et à la guitare, c'est ça, vocal, Philippe Leblanc, guitare, rock, vocals, Pascal Boisvert, guitare, Daniel Dion, guitare, bass, Stéphane Blais, batterie, François Galaise. Hein? On voit leur influence anglaise, hein, quand même. C'est ça. C'est des rockers. C'est des rockers. Vous pouvez entendre les pièces Kamikaze, Je t'ouvrirai ma lune, Son éveil et tout doucement sur leur myspace.com/joyeuxcafards. Il nous reste une pièce. Après ça, on va entendre un petit peu de Hélicoptère qui va s'embarquer juste après ça. Ça va être très, très bon. On est dans le bloc francophone de la nouvelle deuxième heure de La Chance aux coureurs. Dany, encore une fois, pour les nouveaux étudiants, qu'est-ce que La Chance aux coureurs? Ouf, c'est une émission où on analyse, décortique, découvre des nouveaux groupes, de la nouvelle musique. Tout ce qu'on reçoit ici, c'est fou. On reçoit peut-être 20-40 albums par semaine. De plus en plus. Ça. Puis, on vous fait jouer. On est les premiers à vous faire jouer ces trucs-là. Donc, on filtre un peu. On est un filtre à bonne musique. C'est ça. Il reste un espèce de petit mouton à la fin. Faut nettoyer avec du vinaigre, des fois. Mais quand même. C'est pas grave, on aime le vinaigre. C'est ça. Ça sent tellement bon. On fait ça depuis l'été 2004. Donc, en gros, c'est la 9e session de La Chance aux coureurs avec Dany Janvier et Mathieu Plan. Et Mathieu Plan. Une combinaison de moi et de Mathieu Plan, faut le comprendre, ça aussi. Donc, dernière, troisième pièce de nos amis les Joyeux Cafards. Voici Son éveil. Tout de suite, tu dirais? Tout de go. Tout de go? Ben, c'est encore mieux. Tout de go. OK, j'accepte. Je confirme. Est-ce votre réponse finale? Tout de là. Et voilà. Je vais retenir le 3, d'ailleurs. 3. fermer les yeux au soleil, ne voir que du jaune sous mes paupières, d'avoir chaud même en hiver, n'attendre que le son de son éveil. Moment de silence pour faire un segue, hein, c'est un beau mot, hein, vers le prochain groupe qu'on s'en va entendre. Un hélicoptère, l'album s'appelle Nos débuts. Et voici la pièce, quoi, Nos débuts. Hein? À la chance, au courage. C'est ça, je me dis. Chanson. retour, plus de chance au coureur. C'est ça. Oui, il existe qu'une seule race. Écraser les flocons étincelants, soufflant jusqu'aux genoux, je combattrai lentement du deux tiers de la terre jusqu'au. Un horizon, j'y vais, lèvres bleues gelées, un paysage glacé. Un horizon, j'y vais, mes lèvres bleues sont gelées. Bon, mon goût, l'air me transit, le froid me saisit. Entre mes yeux, une boussole dans le thorax. Aventurier, aventureux, j'arrive au prochain axe. La neige est si légère, elle pèse à peine et brouille le repère que l'hémisphère s'aime. Un horizon givré, les lèvres bleues gelées. Fire! On vient d'entendre deux pièces de Helicopter. L'album s'appelle Nos Débuts. On a entendu Le Petit Nord et Nos Débuts. C'est un petit groupe qu'on aime bien comme ça. Je vais lire une biographie, Danny, si ça te dérange pas. Toi, tu les aimes bien ou je les connaissais pas? Non, moi non plus. Ah. Mais je dis ça parce que je vais être gentil avec eux. Donc, les membres sont Olivier Beaulieu à la voix et la guitare acoustique. Il a 26 ans, originaire de Baie-Comeau. Fascinant. Laura Giguère, voix, 27 ans, originaire de Québec. L-E à la guitare électrique, 29 ans, de Baie-Comeau. Guillaume Tondreau à la basse électrique, 25 ans, d'Haïti. Et François Turcotte à la batterie et percussion, 26 ans, originaire de Matane. Donc, la formation Helicopter a commencé en 2003, lorsque Olivier Beaulieu a décidé de quitter son instrument premier, qui était la batterie, qu'il a étudié ensuite jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Un peu fatigué d'être dissimulé derrière ses cymbales, il fait la découverte du crayon et du papier et il apprend son orthographe. Je vais juste faire une petite parenthèse en disant biographie, trop d'informations des fois. Justement. Donc ensuite, ça dit, grattant depuis quelques années la guitare, il combine le tout pour en faire quelques brouillons de chansons. C'est au même moment qu'il rencontre à son travail de disquaire chez Archambault. Tu vois, tu sais, trop de détails. Un peu trop de détails. Hein? Une jeune chanteuse à la voix mielleuse, Laura, qui étudie toujours avec rigueur dans le domaine de la psychoéducation. Et c'est là que je vais arrêter. Tu comprends-tu? Donc, Helicopter, ouais, c'est ça. Ils ont eu plusieurs spectacles à leur actif depuis 2004. Ils les ont écrits. Donc, on va prendre la peine de dire au bar Showtime Le Tabou, à Chiz, la radio universitaire, au Tam Tam Café et à CKRL, la radio communautaire de Québec. Helicopter est influencé par des artistes tels que Daniel Bélanger, M. Carquois, Jean Leloup, Les Colocs, Yann Perrault, Ariane Moffat, Galaxy 500, Fred Fortin, Le Colocas et Michel Rivard, tous de très bons choix, selon moi. Voilà. Et Helicopter, l'album s'appelle Nos Débuts. Et juste avant, on avait entendu quelques pièces de la formation Joyeux Cafard, c'est-à-dire Son Éveil, Reste et Kamikaze. Pour plus d'informations sur Kamikaze, les liens vers tous les artistes, vers tous les sites, sont sur le cifou.ca/chance. Nouveau site d'Annie Bois. Ah oui? C'est fou, c'est avoir des chances. T'as tout mis en place. C'est ça, exactement. Tout est là en même temps. C'est beaucoup plus facile pour vous, c'est fou, c'est avoir oblique, le nom de l'émission que je fais, soit Connexion, Chance ou Palmarès. Ça mène à la même place. Les liens sont là, sont déjà là. Si vous êtes en train d'écouter en ce moment, vendredi, ils sont déjà live là. C'est-tu assez dit? Je pense que oui. On a terminé le franco, Danny. Ça a pris une bonne heure et 40 minutes pour passer le franco. T'as aimé ça avec ton heure supplémentaire à date, Mathieu? Oui, à ça? Date, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça te fait respirer un peu plus. Et c'est bien pour toi aussi parce que tu peux venir quand ça te tente. Oh, j'aime ça, venir quand ça me tente. Dans le sens que tu peux ne pas venir la première heure, tu peux ne pas venir la troisième heure, tu peux venir pendant toute l'émission, tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux même amener des disques et les écouter, ça te tente. Oui. On va changer complètement de style, c'est ce qu'on fait rendu après le francophone. On va écouter un petit peu de Cadillac Bill and the Creeping Bent. Si je le dis en anglais comme vous, ça va être Cadillac Bill and the Creeping Bent. On va écouter la première pièce de l'album et on va en parler au retour. C'est un groupe anglophone. C'est la seule information que j'ai eue à date. Leather Pants, c'est le nom de la pièce. On écoute ça tout de suite à la chambre. C'est ça. Money on leather pants. Pants for me, they're really smooth and they're hot as well as cool. Genuine cowhide around my thighs, want the best for my legs, won't compromise. Now here's the cash, give me the receipt. Wear those pants right out on the street. Yeah. Okay, here we go. We'll hit the sheen. Never gonna ever get out of these. Slap, duds, imagine that. Everyone's trying to touch my pants. Here's them doing the twist, mashed potato tango, stomping the flip. Over me, and I'm spinning round. Yeah, that's my pants making that sound. Pay for sure, I never could dance till I bought these leather pants. Look as good as my pants are starting to cook. They're ready to stick when they get hot. One of these days I'm gonna peel them off. Leather pants, leather pants, leather pants, leather pants. Now I've got some leather pants. Where these rumble babies stay. Vous êtes assez fou. 89.1 FM, la seule radio musicale. The Creeping Bent à la chanson courante sur C'est Fou 89 FM. La chanson courante qui est rendue dans la fin de sa deuxième heure ou presque. Nouvelle deuxième heure, hein, n'est-ce pas? Oh. Nouvelle heure, faut oui. Le rappeler. C'est quand les heures, tu penses? On est rendu de 10h à 1h. Le vendredi et en rediffusion le jeudi de 13h à 16h. Ah, donc, on va prendre toute l'après-midi de jeudi. Toute la gang de l'après-midi. On va être là avec vous jusqu'à la nouvelle émission du retour, Les Betteraves Hurlantes, qui va être une émission d'humour absolument fantastique. On en parlera plus tard. Donc, Cadillac Bill and the Creeping Bent avec Leather Pants et Be With You. C'est un groupe de Hammered en Ontario. Ils doivent être sous-souvent. C'est Hammered, ça veut dire. Non, c'est pas le genre de joke qu'il faut faire. Cadillac Bill and the Creeping Bent, donc Psychobilly Surf Rock. Leur site web est au CadillacBill.com. Les membres sont Cadillac Bill, Billy Becker, Mike Williams, Danny Kay et Shane Shaft MC. D'accord. Prochaine formation qu'on s'en va entendre, c'est The Cinematics. L'album s'appelle Break. Ben, en fait, c'est pas un album, c'est un EP. Donc, on a reçu une version radio de Break. On a reçu la pièce Burning Light, Sunday Sun version radio et Home version acoustique. On va commencer au moins par la version radio de Break. Seulement parce qu'ils nous ont pas envoyé la version album, sinon c'est celle qu'on aurait passée. C'est vrai quand même. C'est vrai. Donc tout de suite, c'est le Cinematics avec Break et puis on revient tout de suite à la chanson au coureur. C'est le même. Y'a rien à dire de plus. Hein? We'll be right back. Pièce de Break avec Burning Light et puis Break Radio Edit ici à la chanson au coureur. C'est de même qu'on fait ça sans dire à Danny à l'avance. Ouais, mais c'est bon, tu peux pogner des petites cotes que des j'étais pas supposé. Des petites conversations qu'on n'est pas supposé entendre. C'est de même, je fais ça. Ça fait un peu comme, comment ça s'appelait? Salut, bonjour. Bon baiser de France. Ah, ça c'est bien. La bière Mauricie. Non. C'est bon, la bière Mauricie. OK. Non. Donc voilà, Break. Quelques petites informations quand même sur Break avant de terminer cette deuxième heure. C'est un groupe de rock alternatif de Glasgow, Danny. Glasgow, en Écosse et puis au Royaume-Uni. Bon, voilà. Le site web est au thecinematics.net. Les membres sont Scott, Ramsey, Adam et Russ. myspace.com/thecinematics pour plus d'informations sur eux. On va terminer cette deuxième heure par une troisième pièce de la part de cette formation. C'est la pièce Sunday Sun. Et puis dans la troisième heure, on va entendre un paquet d'affaires, dont Berrurier Noir. On a retrouvé ce dé qu'on avait pas, on l'annonçait en début d'émission. On vous l'avait promis. C'est une grosse sortie. On va en faire jouer au début de la troisième heure. Restez avec nous. Danny Janvier, Mathieu Plante, à la chance au pouvoir. L'émission qui? Découvre, analyse, critique et décortique. Mais là, aujourd'hui, on est pas mal sous chômage. Ouais, on n'a pas fait grand-chose d'écoute à l'avance. Hein, c'est... Ouais. Mais il y a mon ami Rachid ici qui s'offre pour garder des enfants. OK. Ça vous intéresse. On va décrire le turban, la barbe et les mains. C'est super bon. Si jamais on en retrouve dans nos îles, on va en passer tantôt. Ça. Donc, restez là. La troisième heure s'en vient sur C'est fou 89.1 FM, la Radio Campus. Le Toloir Lévial. La seule et unique, donc la meilleure. Looking for Bon retour, c'est la troisième et dernière heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les 7 derniers jours, ou en notre cas cette semaine, les 3 dernières semaines, parce qu'on a quand même pris une petite pause. Danny Janvier est toujours avec moi. Allô. Voilà. Allô. Mathieu Plante est mon nom, avec vous jusqu'à 13h le vendredi, ou encore jusqu'à 16h le mardi pour la nouvelle, le jeudi, pardon, pour la nouvelle heure de la rediffusion, les jeudis de 13h à 16h. On aura l'occasion, syllabe, de le redire à la fin de l'émission. On est rendu à Berrurier Noir. On l'a reçu enfin le nouvel album Invisible de Berrurier Noir. On va entendre une pièce qui s'appelle Le Cerf. Hein? Cerf? Le Cerf. Cerf, le Cerf. C'est pas vrai, c'est ça. Le druide et le loup. Et puis on entendra ensuite la pièce Coup d'État de la jeunesse. Et on fait ça. Et après ça, on en parle de Berrurier Noir un petit peu. Ceux qui boycottent MySpace. Ou qui boyscoutent MySpace dans le cas que vous voulez. Ouais, mais sur MySpace. Avec une page sur MySpace, pour le dire. Boycott MySpace en étant sur MySpace. C'est une bonne idée. Ironie, sarcasme, délusion. Tout cela en même temps. Plaisir, c'est la chance au coureur. C'est comme Napolitain. Fraise et hockey, ouais, je l'avais pas caché au début, mais j'ai pensé un petit peu que j'ai eu. Tape dans le dos. Ciao, ti approcio la guerra. comme une idée légère, sans arrêt flamboyant. Développement des misères, continuité des guerres, enfantement des cancers, sans arrêt flamboyant. Bérurier noir avec... Dans un rêve flamboyant, justement, c'était coup d'état de la jeunesse et au début du bloc, le cerf, le druide et le loup. Le cerf, hein? C'est ça qu'on dit. Pas le cerf. Pas le cerf, non. Bérurier noir, vous les connaissez peut-être, mais bon, on les appelle quand même les Bérus, hein, pour les gens qui les connaissent. C'est le groupe phare de la scène punk et alternative française des années 80, composé principalement de deux membres, Laurent à la guitare et Fanfan François au chant, issu du mouvement des squats parisiens. Et ça dit sur leur Wikipédia, leur article sur Wikipédia, à la différence de la plupart des autres groupes de l'époque, excepté Metal Urbain et Warum Joe, ils n'ont pas de batteur. Le troisième membre du groupe est Dédé, qui est en fait la boîte à rythme des Béruviers Noirs. Olaf, l'un des membres de la toute première formation avant le concert de l'usine de Palikao, fut plus tard membre de Ludwig von 88, un autre groupe marquant de la scène alternative des années 80 en France. Ils sont dissous en 89, mais le groupe s'est reformé temporairement entre 2003 et 2006. Donc, est-ce qu'on entend dire que c'est leur dernière année de reformation, ou est-ce que c'est juste marqué ça parce que c'est l'année en cours? Ben, je pense que c'est parce que c'est l'année en cours, la dernière année en cours. Oui. Ils vont revenir et faire d'autres albums, je l'espère. Ah, ils ont fait capoter le Québec en entier. Oui. Cet été ou l'été passé, je pense qu'ils étaient venus. En tout cas, ça a été l'événement. Là, tout le monde était là. Tant mieux pour eux. Ah, c'est peu dire que cet album-là a été très, très attendu depuis les derniers mois. Donc, l'album s'appelle Invisible, c'est Bérurier Noir. Procurez-vous ça maintenant. On passe à un prochain bloc. En fait, on va passer à un prochain bloc d'anglophone, mais ça va être seulement après la publicité qu'on s'en va entendre. À la chance au coureur. Oui, oui, comme tu dis si bien. Sur le 89. C'est fait. Présentement, c'est l'album Carnival Skin, un album de musique jazz freestyle. Free jazz. Free jazz. Free jazz, qu'on dit. Et d'ailleurs, avec Bruce Isenbale, Klaus Kogel, Perry Robinson, Peter Heaven et Iliad Green. Donc, on voit que c'est guitare, clarinette, trompette, piccolo. Il y a double bass, donc une. Moi, je vois c'est une contrebasse sur la photo. Et au drum. C'est la même gang qui nous avait fait Aiden Fresco, okay. À la fin de l'année, l'an passé. L'an passé qui est pas vraiment pas là, si ça longtemps. Ça fait un an, là-dessus. Ça, mais l'an ouais. passé, là, un mois. Là, est-ce qu'on l'avait passé? Est-ce qu'on l'avait oui. passé ici? Oui, ouais. oui, j'avais bien aimé. Donc, sur Nemu Record, un nouveau label d'albums free jazz et jazz en particulier, finalement. C'est Il y a des trucs qui sont plus ambiants. Ça, c'est un petit peu plus... psychédélique, moi je ouais. trouve. Ben, ça fait très beau changement et c'est là-dessus qu'on va passer les prochaines minutes. Vous êtes à la dernière demi-heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis, en ce cas-ci, les trois dernières semaines avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Carnival Skin continue et on revient avec, entre autres, peut-être un petit peu de musique de Youth Group et puis Static Thought, un petit peu de punk et de musique alternative. Restez avec nous. une pièce de l'album Carnival Skin. Bruce Eisenbeal, Klaus Kugel, Terry Robinson, Peter Evans et Elliot Green sont ceux qui font partie de cet album-là. Et dans cette pièce-là, c'était Evans, Robinson, Eisenbeal, Green et Kugel. La pièce titre Carnival Skin, un petit peu de free jazz. C'est bien ça? Ben moi j'aime ça, surtout le vendredi comme ça. Ça donne le goût d'aller prendre un verre dans un bar, écouter du free jazz. Malgré le fait qu'il n'y en a pas ici à Trois-Rivières, mais bon, ça serait bien. Qu'est-ce qui serait le plus rapproché du jazz dans les bars? Ben, ce serait dans mon salon d'en mettre puis boire okay. un verre chez nous. Et ça, l'adresse est le ta-ta-ta-ta-ta. Oui, c'est sûr. Donc, Carnival Skin, voilà, c'est un des albums qu'on a reçus cette semaine et depuis les trois dernières semaines. À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales, on passe à un style complètement différent, n'est-ce pas? On y va avec un petit peu de punk. Oh. L'album de Static Thought s'appelle In the Trenches et voici la pièce Drug of My Mind. Oh. À la chance! Bloc punk de cette semaine à la chance au coureur, une pièce de Static Thought. L'album s'appelle In the Trenches et la pièce Drug of My Mind. L'album sort le 30 janvier prochain et c'est un groupe de San Francisco de la scène punk et ils sont formés en 2000. C'est trois personnes et puis ils ont évolué en un groupe agressif avec des paroles qui vous feront penser, c'est ce que dit leur CD. Donc Static Thought avec In the Trenches le 30 janvier en magasin. Prochain album qu'on s'en va entendre, c'est Youth Group. L'album s'appelle Casino Twilight Dogs, qui sort aussi le 30 janvier. Ça inclut une pièce... c'est un groupe australien, pour commencer. C'est leur numéro 1 en Australie. Je pense que c'est le single qui est numéro 1 en Australie. Je pense pas que le groupe soit australien lui-même, je m'excuse. On va entendre la pièce Forever Young, qui a été mixée par Chris Wallet de la formation que j'aime bien, Dead Cab for Cutie, et qui est passée à la télé dans une série que pour adolescents, The O.C. Donc, on écoute ça et puis on revient avec d'autres musiques, dont peut-être si on a le temps, dépendant. Il reste encore un petit peu d'alternatifs anglophones et puis il reste la trame sonore de Fast Food Nation, mais peut-être qu'on le gardera pour la semaine prochaine. Ça donne faim, ça. C'est vrai que ça donne faim. Peut-être qu'en voyant le film, un petit peu moins, par exemple. Oui, mais la pochette. Exactement. Voilà, voici tout de suite Youth Group avec la pièce Forever Young de leur album Casino New Twilight Dogs à la chanson. À Rod Stewart. C'est vrai, Rod Stewart qui faisait ça, Forever Young. Je sais pas si c'est la version, hein, mais... Sûrement pas. On va voir. De Youth Group, voici Jack Adapter à la chance. Avec conviction. Chocolate malt and song. Émergente, c'est fou, 89.1. But they hold on anyhow, and no soul has so many gone to be the Qu'est-ce que tu penses de Jack Adapter, Danny? Ouais, c'est bon, finalement, j'ai fait un choix à la volée. Et ben oui. Quand même bien. Bien choisi. L'album s'appelle Des fois, c'est important de se fier à la pochette. Ah, absolument. Il y a des albums qui ont une mauvaise pochette qui sont bons, mais c'est rare. Ouais, ben, en tout cas, je trouve que ça donne quand même une idée, la pochette, vraiment. Ouais. On a entendu trois pièces de Jack Adapter de leur album Road Rail River, c'est-à-dire Chocolate Malted, The Inevitable et puis Broken Neck qui vient de terminer ce bloc-là. Maintenant, Danny, c'est l'heure de quelque chose de nouveau. On amène quelques nouveaux éléments, une fois par trois ans, même, ça arrive. C'est l'heure du bloc Signe avant-coureur, c'est-à-dire des pièces qui sont tellement bonnes qu'on a entendu à travers les branches, qui vont se retrouver sur les palmarès de C'est fou, et on vous en parle un petit peu à l'avance pour vous agacer un petit peu. Donc, le signe avant-coureur de cette semaine, c'est Nassau avec Machines to Paradise, le nom de leur album. On va entendre des pièces au hasard. C'est ça, je tease, comme on dit. Je vais prendre des pièces qui sont conseillées par le groupe en tant que tel sur leur myspace.com/Nassau, N-A-S-S-A-U. Donc, ce ne sera pas nécessairement la pièce qui va jouer dans les palmarès les vendredis soirs de 17h à 20h avec moi-même et Cynthia Parquet-Grenier. Ça va être bon, ça? Ce soir, ça? Vous savez qu'en train? Oui, ce soir, yes. Le vendredi soir. Si vous écoutez en direct, on est quoi, le 12 janvier 2007? Donc, ce soir de 17h à 20h, c'est les palmarès C'est fou, sur C'est fou, avec moi et Cynthia. C'est beau, hein? Donc, Nassau, notre signe avant-coureur, voici la pièce The Water Below, ici, à la chance. Dassault, un groupe de rock psychédélique pop de Toronto en Ontario. On vient entendre deux pièces, Pounding in the Cave et The Water Below. C'est le signe avant-coureur de cette semaine, un album qui va se retrouver sur les palmarès les vendredis soirs de 17h à 20h avec moi-même. Et voilà. C'est beau, hein? Moi, j'aime ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'aime vraiment ça. Et voilà. Daniel, est-ce que tu veux consacrer notre coureur de la semaine parmi ce qu'on a écouté aujourd'hui? Ben, on avait choisi Berrurier Noir. Et voilà, Berrurier Noir, on a entendu tellement le groupe aujourd'hui. Allez voir les liens sur le cfu.ca/chance. Et voilà, ben, c'est déjà la fin pour la chance au coureur pour cette semaine, malheureusement. L'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Retrouvez les liens et la balado-diffusion sur le cfu.ca/chance. Dany, merci. Merci Mathieu, bonne journée, bonne soirée. Ouais. Donc, mon nom est Mathieu Plante, moi je vous retrouve à la connexion les jeudis à midi et les mardis à midi et dans les nouveaux panoramas C'est fou avec Cynthia Paquette-Grenier les vendredis soirs à partir de 17h. Voilà, de la part de Dany Janvier, de Mathieu Plante, toute l'équipe fictive de la chance au coureur, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance.